Mireille Kanyang. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition, la dernière de ce 28 janvier. En voici la charpente. Des sénateurs demandent avec insistance au ministère de la Justice de prendre toutes les dispositions et libérer les prisonniers acquittés qui croupissent toujours en prison. La province scolaire de Bururi est qualifiée dans 6 disciplines sur 10 pour participer au quart de finale des championnats interscolaires. En actualité africaine, le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CEDEAO avec effet immédiat. Ils l'ont annoncé ce dimanche, vous l'entendrez dans cette édition mise en ondes par Eric Ouiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page justice. Pour débuter cette édition, les sénateurs burundais demandent au ministère de la Justice de prendre toutes les dispositions pour libérer les prisonniers acquittés ou ceux qui ont purgé leur peine pour le désengorgement des lieux de détention. Au cours de la séance des questions orales mercredi de cette semaine, les sénateurs ont expliqué qu'il est incompréhensible qu'il y ait des détenus en possession des billets d'élargissement mais qui croupissent toujours en prison. Le ministre de la Justice justifie que des libérations sont régulières et promet de faire une large diffusion des statistiques dans les jours à venir. Le point avec Placide Niomongere. Selon le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, des discours et promesses de libération des prisonniers acquittés, gracieux ou ayant purgé leur peine sont toujours tenus par différentes autorités du pays, mais des effectifs de la population carcérale restent toujours importants. Il demande à la justice de penser à une campagne d'au moins 3 semaines pour statuer sur les cas de détenus susceptibles d'être libérés. De son côté, la ministre de la Justice, Dominique Banyangimbona, justifie que des activités de libération des prisonniers sont toujours opérées et donne l'exemple qu'au moins 400 prisonniers retrouvent leur liberté par mois. La ministre Banyangimbona regrette qu'à l'inverse de ces libérations, d'autres sont en même temps arrêtés et détenus. La ministre promet à cet effet de toujours publier dans la presse toutes les statistiques relatives aux libérations en guise de leurs activités. Néanmoins, pourtant et partant des conclusions des missions des parlementaires dans des prisons du Burundi, la sénatrice Benoît Nizigimana s'inquiète que les efforts du ministère de la Justice risquent de vouer à l'échec suite à certains magistrats dont les procureurs qui ne facilitent pas la tâche. Sur ce, la ministre Dominique Banyangimbona ne nie pas les faits, mais rassure que les magistrats qui s'en méconduisent sont remerciés. Cela étant, lors d'une réunion avec les acteurs du domaine de la justice vers fin 2023, le ministère de la Justice avait laissé entendre que les prisons burundaises connaissaient un taux de plus de 410% de la population carcérale. Page santé de cette édition, la lèpre demeure endémique dans cette province du Burundi, précise le ministère burundais de la Santé publique. Il s'agit des provinces Rutana, Makamba, Rumonge, Chibitoke, Bubanza, Ruigi et Changuzo dans une déclaration de ce dernier dimanche du mois de janvier où se célèbre la 71e journée des malades de la lèpre. Ce ministère fait savoir qu'au Burundi, les statistiques du programme national de lutte contre cette maladie montrent une recrudescence régulière au cours des 5 dernières années. À titre d'exemple, 382 cas ont été enregistrés en 2018 contre 497 en 2022, tant pour la forme non contagieuse que celle contagieuse. Dans son communiqué de presse, le ministère de la Santé publique rappelle qu'une fois la lèpre dépistée et traitée précocement, elle guérit sans laisser de séquelles. La lèpre, poursuit au ministère, n'est pas une maladie héréditaire. Selon encore son communiqué, l'Organisation mondiale de la Santé parle d'environ 200 000 nouveaux cas de lèpre chaque année dans plus de 120 pays. Parlons environnement et agriculture. À présent, environ 15 hectares de champs de différentes cultures, parmi lesquels ceux du domaine du centre semencier de Buzimba, ont été déjà détruits par la rivière Buzimba, alors que l'action destructrice de cette rivière semble s'accélérer, attaquant les bergers, arrachant les cultures comme les palmiers à huile. Les agriculteurs voudraient une intervention urgente des pouvoirs publics. Jean-Marie Chongera, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumonge, appelle au reboisement des collines du bassin versant de cette rivière. Les précisions avec Jean-Pierre Misago. Des dépôts de pierres et gravier et où poussent arbustes par endroits au bord de la rivière Buzimba couvre actuellement d'anciens espaces occupés par des champs de culture de maïs, de haricots, riz, tomates et autres cultures. Les agriculteurs victimes de cette action destructrice de la rivière Bouzimba désespèrent. Ceux qui se sont exprimés voudraient l'aménagement du riz de cette rivière. Jean-Marie Tchongera, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumonge, estime à 15 hectares la superficie des champs de culture déjà détruits par la rivière Bouzimba, dont 5 hectares du centre semencier de Bouzimba. Pour lui, les services compétents devraient rendre disponibles des engins pour le curage de cette rivière. En attendant, Jean-Marie Tchongera appelle les habitants des collines constituant le bassin versant de la rivière Bouzimba de les reboiser afin de réduire les effets destructeurs de l'érosion. Cette action destructrice qui se poursuit avec la destruction des rives de cette rivière accompagnée de l'arrachage des palmiers à huile par endroit a commencé en 2017 selon le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumonge, Jean-Pierre Misago depuis les rives de la rivière Bouzimba, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro, nous poursuivons avec cette édition. Le gouverneur de la province de Cibitoke interdit dans sa province la vente du maïs cru dans les marchés le long des routes de la dite province. Dans un communiqué du 24 de ce mois, Karim Bizoza, gouverneur de cette province, parle d'une mesure prise après une réunion ayant constaté du vol dans les champs. Et c'est une mesure, dit-il, prise en vue de ne pas gaspiller la production. Dans ce communiqué, les commerçants fournisseurs du maïs dans d'autres provinces sont appelés à attendre l'action de l'administration et la police. Cette mesure est cependant décriée par les vendeuses de maïs cru. Le point avec Jean-Marie Vianney Gendakouman. Ces femmes vendeuses de maïs cru en province Cibitoke s'indignent contre la décision du gouverneur de cette province interdisant le commerce de ces maïs dans les marchés et sur les routes. Elles affirment que ce commerce les aide à subvenir aux besoins familiaux et notamment les frais liés à la scolarité de leurs enfants. Mes enfants qui étaient à l'école vont arrêter les cours. Par exemple, depuis mercredi, l'élève qui était en premier en poste fondamental n'y va pas parce qu'on lui a demandé 10 000 francs. Pour quatre autres, 200 en deuxième, un autre en sixième et le quatrième en cinquième année. Ils ne vont pas continuer à y aller. Je suis la seule à les élever, personne d'autre pour m'aider. Elle demande au gouverneur de la province Cibitoke d'attendre de ce soir si cette mesure alga qu'ils n'ont pas d'autre métier à exercer. Le gouverneur de la province Cibitoke fait savoir que cette décision a été prise dans le but de lutter contre les actes de banditisme qui sont devenus monnaie courante dans les différentes plantations de maïs. Karim Bizoza appelle les agriculteurs de ne pas gaspiller leurs récoltes. Ce ne sont que des actes de banditisme. Il n'y a pas de famine en province Cibitoke et c'est pour cela que nous interdisons la vente du maïs dans différents marchés et au niveau des routes. Comme cela, avec la mesure, on aura coupé court avec les cas de vol. Nous demandons aux agriculteurs d'éviter toutes sortes de gaspillage de la récolte. Certes, ils ont besoin de l'argent pour subvenir à d'autres besoins, mais il faut garder les vivres nécessaires pour nourrir les ménages. Cette mesure interdisant le commerce des maïs crus dans les différents endroits de la province Cibitoke a été prise le 23 janvier 2024 après une réunion tenue à l'intention des représentants des différents secteurs. Restons à l'ouest du Burundi, cette fois en province Bubanza, pour parler de la mesure de suspension des activités des groupes de solidarité communément appelés SILC qui prêtent confusion au sein de la population. Ceci a été évoqué vendredi dans cette province lors d'une séance régionale de coordination des intervenants en matière de protection sociale. Les détails avec Spes Caritas Kabanyana. Mais on pouvait prendre, étudier la mesure de tous les côtés, du côté des finances au niveau de la BRB, mais aussi du côté de la communauté. Il y a des communautés qui vont souffrir. Cette femme est l'une parmi les participants à une séance de coordination de tous les intervenants en matière de protection sociale et des intervenants de la région Ouest. C'était ce vendredi à Bubanza. Cette mesure prise par la Banque de la République du Burundi en date du 14 décembre 2023 est fortement décriée par les communautés concernées d'un côté et de l'autre côté par les responsables des organisations national et les programmes qui œuvrent dans la province de Bubanza, Cibitoke et Bujumbura. Cette femme dit qu'il faudrait plutôt revoir cette mesure car il y a des communautés qui vont en souffrir. Oui, on reconnaît qu'il y a des défis, qu'il y a des problèmes dans cette approche, mais on pouvait voir comment relever ces défis au niveau de la communauté qui sont liés au groupement financier. Mais on pouvait prendre, étudier la mesure de tous les côtés. Du côté des finances au niveau de la BRB, mais aussi du côté de la communauté. Il y a des communautés qui vont souffrir parce que beaucoup de pays se sont développés à partir des groupements communautaires financiers. Il faudra voir alors qu'on ne va pas, en suspendant ces groupements, qu'on ne peut même pas reculer derrière du côté, en arrière du côté du développement du pays, puisqu'il y a des projets qui sont en cours d'exécution. Via ces groupements, l'association villageoise de pagne et de crédit, moi je proposerais qu'on donne au moins un délai pour qu'on puisse fermer officiellement ou restructurer des groupements. Le directeur administratif et financier au secrétariat exécutif et permanent de la Commission nationale de protection sociale qui dirigeait la réunion a précisé que c'est une question qui va être encore analysée par toutes les parties. Spes Caritas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. De Bubanza, rendons-nous en province Kayanza, c'est au nord du Burundi pour parler de ces grognes des commerçants exerçant leurs activités commerciales au centre Gwesero, situé à la colline Lukere, en commune Kabarore de cette province. Ils disent travail à perte à cause du manque du carburant qui fait que le ticket de transport se multiplie par deux. Une correspondance signée Patrick Nsengiyumva. Le centre Gwesero se trouve à la colline Lukere en commune Kabarole et c'est une colline frontalière du Rwanda, pays voisin. Jérémy Chimilimana, un commerçant exerçant ses activités commerciales à ce centre, dit qu'il travaille à perte à cause de la pénurie du carburant. Il donne l'exemple que le transport en moto de ses marchandises depuis le chef-lieu de la province Kayanza où il s'approvisionne en marchandises au centre Gwesero lui coûte 12 000 de nos francs aller et retour. Au moment où quand il y a du carburant, précise-t-il, le même trajet ne lui coûte que 6 000 et 10 moins la moitié. Ce commerçant russe le demande que les essences habilitées trouvent solution au problème du manque de carburant aux stations-service. Boutoyi Emmanuel, représentant des commerçants communes Kabarole, trouve lui que pour pallier provisoirement à cette question du coût de transport des marchandises, un commerçant de Kabarole pourra les jours à venir être délégué par les autres et aller au marché collecter les marchandises des uns et des autres, chacun selon ses besoins et ses moyens. Boutoyi Emmanuel déplore aussi le fait que la commune Kabarole peut passer des semaines ou plus, sans qu'elles soient approvisionnées en boisseaux fabriqués par la Bravoudi. Le représentant des commerçants à Kabarole demande que cette question aussi trouve solution par les chargés de la distribution de ces produits. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Je vais l'annoncer en titre. La province scolaire de Bururi est qualifiée dans 6 disciplines sur 10 pour participer au quart de finale des championnats interscolaires. Cette province croisait le fer avec celle de Rumonge dans les 8e de finale qui se jouait depuis ce samedi au chef-lieu de la province Bururi. La province scolaire de Rumonge s'est classée dans 4 disciplines. Les équipes gagnantes sont appelées à se préparer sérieusement pour gagner les prochains matchs. Le point avec Zenon Zambiman. Au cours du 8e finale du championnat interscolaire qui se jouait au chef-lieu de la province de Bururi depuis ce samedi, les équipes de la province de Bururi croisaient le fer avec celle de Rumonge. La province scolaire de Bururi a remporté dans 6 disciplines sur 10 qui ont été jouées. Côté filles, l'école amie des enfants de Matana en basketball, le lycée de Kiremba en volleyball et le lycée de Rutovu en handball ont gagné les matchs qui les opposaient respectivement avec l'école secondaire technique de Rumonge, le lycée Saint-Auguste de Birimba et le lycée de Mugara. Côté garçon en volleyball, le lycée de Bururi a remporté sur l'école secondaire technique de Rumonge. En football, le lycée de Bururi a battu le lycée de Magara domaine meka handball ou le lycée de Mutangaro dans la commune de Rutovu a gagné le match qu'il opposait avec le lycée Saint-Augustin de Milimba. C'est au moment où la province scolaire de Umonge a remporté dans quatre disciplines. Côté filles, en football, le lycée Lumière de Busebra a battu l'équipe du lycée de Gishiha, c'est dans la commune de Matana. En netball, c'est le lycée Lumière de Busebra qui a remporté sur le lycée de Bururi. Et côté garçon, en basketball, c'est l'école technique secondaire de Rumonge qui a gagné contre l'école Amis des Enfants de Matana. Et en rugby, c'est l'école secondaire technique de Rumonge qui a remporté sur les thèses de Kigama. Fabrice Habigingo, envoyé du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique à Bururi, a indiqué que les équipes gagnantes sont qualifiées pour le quart de finale qui se jouera si rien ne change le week-end du 10 au 11 février de cette année et appelle les équipes gagnantes à se préparer en conséquence. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Pour clore cette édition, une brève en actualité africaine, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays dirigés par des militaires, ont annoncé ce dimanche 28 janvier qu'ils quittaient la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec effet immédiat. L'annonce a été faite simultanément dans les journaux de la mi-journée sur les antennes des télévisions publiques des trois pays. Le communiqué commun est signé par le Malien Assimi Goïta, le Burkinabé Ibrahim Traoré, et le Nigérien Abdourahman Tiani. Influence étrangère, manque d'appui dans la lutte contre le terrorisme, sanctions économiques inacceptables et autres sont les arguments pour annoncer ce départ de la CEDEAO. Voilà, à 18h15, 17 plus tôt, dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Merci également à Riku Imana qui a assuré la mise en onde. Très bonne soirée. Au revoir.